Franchement, c'est super. Ouais. C'est super. Frédéric, c'est super. C'est super. Non, dis pas ce que je suis, ce que je sais, ce que je vis, ce que j'écris. Non, dis pas ce que je suis, ce que je sais, tu le sais, tu le vis. J'ai pas le profil d'Alfred Hitchcock, plutôt de celui de Calimero. Pour ceux qui me poussent à l'arrêt, j'ai rien qu'une deep zone pour les rendre heureux. J'aurais pu faire de ma vie une ligne droite, j'ai préféré les courbes et le rap chaque fois que ma vie m'est rude. Les rides sur mon visage témoignent la joie que ça me procure. Même si parfois on me blesse, je reste un être avec un cœur. Je n'ai rien contre le ridicule, je crois en Dieu. Évite de parler la bouche pleine quand je ne sais pas, je suis pas l'idiot. J'en sais pas plus que toi, ce que j'ai appris c'est près de toi. Je découvre chaque jour, même si parfois c'est dur à le vivre. S'il te plaît, ne m'en dis pas, ce que je vis c'est pas la joie. Je rappe à jeun et parfois il m'arrive de sourire jaune. J'ai voulu lâcher le rap, j'en pouvais plus. Courir après les à peu près m'ont fait perdre confiance. Mais elle a su me dire un jour ça paie, faut pas que tu lâches de si près. J'ai pris le pic, maintenant je fonce. Non, dis pas ce que je suis, ce que je sais, ce que je vis, ce que j'écris. Non, dis pas ce que je suis, ce que je sais, tu le sais, tu le vis. Je suis qu'un paranoïaque compulsif aux cheveux sous fructis, flemmard au poil lisse, millionnaire à la fortune factice, hyperactif, cacheur de feu et de l'écaillé, rumeur du pire postillonnant sans protège cahier, thérapeute de comptoir, mais pas tout le temps, perfusé sous coca, bouffeur de caribou mutant, un rocker raté, à l'humour d'Al Bundy, avec une larme qui sourit quand je pense à Freddy. Je suis qu'un clown triste dans une boule de savon amer, socialement précaire, le chef des pervers mammaires. Mes meilleurs amis, c'est le club des 7 et des boules de suie. Alors surtout, surtout, n'en vis pas ce que je suis. N'en vis pas ce que je suis, ce que je sais, ce que je vis, ce que j'écris. N'en vis pas ce que je suis, ce que je sais, tu le sais, tu le vis. Ne deviens pas ce que je suis, ne commets pas cette erreur-là. Le genre de type qui, lorsqu'il perd un pote, s'enferme chez lui et boit. Ne m'en vis pas, non je ne vis pas et je ne ris pas. Souvent, je cherche un sens à la vie enfermé dans le noir. Me lève à 14h vu que je n'attends que le soir. Les mains dans les poches, je traîne dans les bibliothèques. Parce que là-bas, les pages tournent moi brutalement. Évidemment que ce sera dur, moi je ne suis qu'un cas de la vie. Ne deviens pas comme moi avant le cas, mais un Freddy. N'en vis pas ce que je suis, ce que je sais, ce que je vis, ce que j'écris. N'en vis pas ce que je suis, ce que je sais, tu le sais, tu le vis, tu le vois. N'en vis pas ce que je suis, n'en vis pas ce que j'ai, j'ai rien défini dans cette vie. N'en vis pas ce que j'ai de style sur les femmes et les belles baskets, hey. N'en vis pas ce que je suis, ce que je suis, ce que j'ai, ce que je dis, ce que je fais. N'en vis pas ce que je dis, non. On est juste des gentlemen, toujours prêts à dire je t'aime. N'en vis pas ce que je suis, j'aurais pu être petit, trapu, beau, musclé, plein d'énergie. Ouais, j'aurais pu être fort, monter une chaîne de sex shop, mélanger magasin de sport, avoir un ou plusieurs restos, italien, africain, la spécialité m'a fait au pesto. Mais je suis qu'un homme boite, crasse, bave, bref, je suis qu'un membre du club des 7, hey. N'en vis pas ce que je suis, ce que je sais, ce que je vis, ce que j'écris. N'en vis pas ce que je suis, ce que je sais, tu le sais, tu le vis, tu le crois. J'prends la pose, la nonchalance à l'excès. Dude, mais si gars, vachement, on est trop fort, ça force du respect. Mon club, c'est une famille, forcément, ça se fait la biche. Chez lui, y'a du recel de friandises. J'me présente, j'agis à nous deux avec Freddy. On est la minorité visible du club, c'est ce qui se dit, mais j'garde le sourire. J'ai un style indélébile qui marque les esprits, suffit de me le dire, faut qu'on sympathise. Hey, Freddy, j'ai l'envie d'envisager dans notre esprit. Chacun de nous qui a jamais vraiment dit m'envie. Mais bon, sans que le temps passe vite. Alors, on speed, on s'invite, une réunion du club au complet sans fit sur un puissant beat. Est-ce que l'on nous envie? Pas vraiment à mon avis. Vénéré, encore moins adulé, non pas vraiment à mon arrivée. Alors sur un autre départ, le club après sa pause ses concerts à 7 depuis le pensionnat et pour toujours à 7. N'en vis pas ce que je suis, ce que je sais, ce que je vis, ce que j'écris. N'en vis pas ce que je suis, ce que je sais, tu le sais, tu le vis, tu le vois. Je marche avec le club des 7. Prédicat. Je marche avec le club des 7. Prédicat. Je marche avec le club des 7. Prédicat. Je marche avec le club des 7.